mais je trouvais pas les mots. Je pense à toi tout le temps, le cœur rongé par les remords. T'oublier non, impossible sûrement pas. Quand j'écris ça, des larmes coulent sur ma page. Les meilleures partent, les premières à ce qu'il paraît. Vu que t'es plus là frère, je te jure c'est plus pareil. Je parle plus à personne, je reste seul et je m'enferme. Sinon que dire à part qui si tu manques frère. J'ai prié Dieu de te revoir, serait-ce qu'une dernière fois. Je garde en souvenir tous les moments que t'as laissé derrière toi. Y'a même toujours ta veste sur mon porte-manteau. Putain ouais c'est grave que mon pote manque trop. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est la merde, j'ai peur. On a grandi ensemble, traversé les mêmes épreuves. Je repense à tous nos bons moments comme mon pire pote. Je n'ai conscience, échappé par la petite porte. Les larmes coulent sur ma feuille, y'a même plus de mon lisible. Putain ça fait bizarre sans toi c'est mort ici. J'ai cette impression que t'es toujours là à mes côtés. À qui se fier, j'ai pas vu que t'es plus là à m'écouter. J'empile des textes, j'ai le cœur rempli de tristesse. J'ai même tenté d'oublier sous l'emprise de l'ivresse. Sinon y'a pas qu'à moi que tu manques, y'a aussi celle qui t'a vénère. Quand je passe devant chez toi, je regarde toujours par ta fenêtre. Ouais, déjà et je m'en suis toujours parmi frères. Tu vas manquer, ouais, je pourrais pas m'y faire. La façon dont t'es parti n'a pas de sens. Repose en paix, possible combler ton absence. Je comprends pas pourquoi des frères aussitôt partent. Tout ce qui me reste c'est des souvenirs étalés décrits au jetard. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour sauver Steve. Puis que t'es plus là, je verse des larmes de poisson aux soviétiques. Depuis ton départ, tous les jours je me sens starré de la veille. À l'avenir, le nouvel an sera plus jamais pareil. Un mode de vie qu'il faut qu'on change de spi. Parmi les anges, ta voix nous hante car tu nous manques de ski. T'inquiète pas, je te dédicace avec le cul de ma ponce. Souviens-toi, c'est comme des rois qu'on allait jusqu'à Mons. Le binôme et ses histoires, tu fais partie des trois quarts. Y'a peu de photos car toutes nos larmes ont fait moisir les placards. Comme dirait Phil, pour parler de toi, on pourrait se dépôt deux heures. Y'a rien à faire, la vie de ma mère, il manque une pièce au puzzle. Après le bon temps, on va appliquer les pleurs. Si les bons partent en premier, tu fais partie des meilleurs. Ah, ouais, ton absence est une blessure marquée. Car tous les jours, j'ai l'impression qu'on jette du sel sur ma plaie. Tout ce qu'on voudrait, c'est juste un sourire de plus. Malgré toutes les galères, on garde les souvenirs de luxe. Ça vous grave des frissons. Des images, des visions. Tu sais très bien que je pense à toi quand je fume une boîte de chichon. Profitons de chaque jour car la vie va très vite. On n'aura pas fait le tour du monde mais celui de la Belgique. Ah ouais, c'est qu'on t'oubliera pas. Même quand t'avais des galères t'as toujours dit ça va. J'ai le cœur éparpillé, tu m'entends ah mais j'arrête pas de crier. Et tous les soirs je vois ton étoile briller. Non non, c'est qu'on t'oubliera pas. Même quand t'avais des galères t'as toujours dit ça va. J'ai le cœur éparpillé, tu m'entends ah mais j'arrête pas de crier. Et tous les soirs je vois ton étoile briller. Vas-y, je t'aime Steve. Je t'aime Steve. Encore une fois. Je t'aime Steve. Je t'aime Steve. Encore. D'accord, plus fort une fois. Je t'aime Steve, dis-le. Dis je t'aime Steve. Allez. Je t'aime.